pas en haut, la tête aux pieds. Ton visage malsain et tes petits seins sont détestables, regrettables, comme ta tranche de mer. J'ai jamais éprouvé le moindre sentiment pour ton poule qui coule. C'est ta tête de pute. Va te faire enculer.